s'aperçoit qu'on a grandi dans le regard d'une fille. On oublie les mercredis et les jeux de billes. Pour épater les copains, on s'invente des maîtresses. Yeah.